tous, bonjour à toutes. Enfin, l'inverse aussi est valable et surtout pour ce nouvel épisode de Vintage Wessels, le podcast dédié au numéro passé de Pay-Per-Views fameux de la WWE notamment. On en a fait un petit peu la TNA aussi et Bound for Glory, mais cette fois-ci c'est bien la WWE qu'on fait à l'occasion des 4 big pay-per-view de l'année en réputation. Comme vous le savez, vous pouvez réécouter certains numéros sur YouTube de WrestleMania, de SummerSlam et des Survivor Series de différentes années. Et cette fois-ci, on n'avait pas encore fait le Royal Rumble et donc on va inaugurer la partie Rumble avec l'édition 2001. Mais avant d'en parler, on va commencer déjà. Donc c'est moi, Bruce T, le plus âgé de la bande, donc on va redescendre au fur et à mesure de l'âge avec Renaud. Salut Brosti, salut tout le monde. Salut Renaud, ouais. C'est vrai que niveau âge, on est presque la même génération, on est seuls qui ont, dans le coin, qui ont vu des pay-per-view en live. Bande de vieux. Bande de vieux. Oui, Ah salut ouais, Gus, oui. ouais, ouais. Salut. Voilà. Bonne année, hein. Ah oui, bonne année, Et oui. bonne année. Ah, oui. Bonne C'est vrai année, que hein. bon, si vous avez écouté le podcast de la TNA, ça va être la deuxième bonne année, mais oui. Il n'y a pas de problème, c'est vrai. Bonne année Non, j'étais pas quelle là la pour la PCE, signer. c'est ça, oui, c'est sûr. Voilà. Là oui, c'est vrai, c'est notre équipe avec notre Québécois. Salut MP. Salut tout le monde. Bonne année à tous. Parfait. Je le répète parce que moi je suis pas là au podcast TNA. J'ai lâché TNA. Oui, je sais, j'ai vendu en fait l'équipe d'hier et puis j'ai remplacé, voilà. Oui, Ça coûte t'as cher. remplacé pour Ça coûte des. cher, hein, de garder les mêmes, c'est pour ça. Non, mais t'as remplacé pour mieux, Bosti, hein. Tu me Oula. laisses au remake. Oula, MP veut entrer en rivalité là. Oula. Ouais. C'est là, Canada contre Luxembourg et puis Sébastien aussi. Si MP met du temps à répondre, c'est parce qu'il est en duplex du Canada. C'est le temps que ça aille là-bas, qu'on reçoive les Ben images. oui. Mais on envoie ça par bateau, quoi. C'est C'est ça. toujours plus long. Oui, voilà, oui, on fait avec nos moyens, hein. C'est ça. Et donc, quand même, bon, on va arrêter un petit peu la déconne pour un petit instant, désolé, mais bon, c'est le Oh, je me contexte barre, qui c'est veut, bon. quand même. À la fin de la semaine dernière, Mae Young nous a quittés, malheureusement, à 90 ans passés. Donc, une pensée pour elle, quand même, surtout quand on parle de vintage, sachant qu'elle a quand même beaucoup œuvré pour le catch féminin par le passé. Ben, c'est la seule Et lutteuse qui a lutté pendant 8 décennies. oui, elle a Enfin, démarré, plus ou moins, c'était hein. en 1941, il me semble, si je ne me trompe Ouais. pas. Donc, longévité énorme, et puis on en reparlera involontairement, enfin. Je pense qu'on fera très vite référence à elle, très rapidement dans l'analyse. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle battait Layla par KO dans un Raw old school, je sais pas si vous vous rappelez, mais. Oui, oh bah oui, Quand même. c'est pas mal illustré quand même encore récemment, oui, donc Et puis bon voilà, après elle était là pendant la période d'attitude aussi avec sa pote Fabulous Moolah, puis aussi avec Marc-Henri, elle avait accouché de la main de Marc-Henri. Oui, je me rappelle. D'ailleurs, on l'a revu la main lors du Romil, d'ailleurs, je sais pas si vous vous Elle a bien rappelez. grandi, hein. Du petit gag, c'était sympa. On va passer à l'analyse du Royal Rumble 2001. 13 ans après, oui, j'étais en train de calculer, là, vite fait. Et on vous retrouve après le jingle qui est le theme song du pay-per-view. À tout de suite. Et donc nous voici de retour en arrière en 2001 à New Orleans. Donc pour ce premier pay-per-view de l'année 2001, après une année 2000 déjà bien remplie, dont on reviendra au fur et à mesure de l'analyse aussi, pardon. Je pense qu'on va commencer par un match que très peu ont vu et qui est assez passable, mais bon, on va en parler rapidement, qui comptait pour Sunday Night Heat. Une espèce de pré-show donc avec deux équipes qui s'affrontaient pour au départ une place pour le Royal Rumble. Donc d'un côté l'équipe Lowdown composée de D'Lo Brown et Chaz accompagnée par Tiger Ali contre l'équipe des Japonais Kayentai composée de Taka Michinoku et Funaki. et D'Lo Brown et Chaz l'ont emporté après un petit peu moins de 2 minutes. Mais je vais laisser, je pense, Renaud détailler ensuite que des gars qui ont marqué l'histoire du catch. Il y a eu. Le truc, c'est que c'est trop court déjà pour pouvoir juger le match en lui-même. Mais bon, alors beaucoup, beaucoup trop court. Même si Takami Shinoku fait quelques bonnes prises, mais bon, voilà, c'est vraiment trop court. Par contre, ouais, ce qu'il y a eu, c'est que l'équipe gagnante pouvait participer au Rumble. Enfin, pas l'équipe, un des membres de l'équipe, il devait se mettre d'accord. Et puis, un des membres de l'équipe pouvait participer au Rumble. Sauf que finalement, Vince McMahon va changer d'avis en plein show et va mettre Drew Carey à la place d'un des deux gars. Ça prouve à quel point l'utilisation était terrible. La victoire, elle était pour D'Lo Brown et Chaz. Oui, oui. Alors Chaz, pour ceux qui ne savent pas et qui se rappellent peut-être, c'est Mosh dans Mosh and Thresher. C'est une équipe qui a un peu plus marqué l'histoire, même si oui. Elle n'a pas vraiment marqué à 100%. Mais c'était les Headbangers pendant l'Attitude Era. Ils ont été champions une fois en 97. Et on les voyait assez souvent. C'est deux gars au crâne rasé, en kilt, avec du maquillage sur le visage. Voilà, Chaz, c'est lui, c'est Mosh. Oui, là, c'était différent. Pardon ? C'est les enfants de Roddy Piper, sans kilt ? Ça aurait pu faire un petit truc comme ça, mais non, c'est pas les enfants de Piper. Ah. Ouais, beaucoup moins de charisme hein, que Roddy. Et ouais, donc voilà, ben oui, Vince McMahon, plus tard dans le pay-per-view, va dire à Tiger Ali, bon ben dommage, mais non, vous n'y serez pas. C'est Drew Carey à la place, voilà. On va en parler tout à l'heure. C'est quand même l'un des premiers trolls de l'histoire, quoi. Oh, il y en a eu avant. Hein. Ouais, oui. L'histoire du catch est très longue, quand même. Hein. C'est pas faux. Et en parlant d'équipes qui ont fait l'histoire du catch, on va commencer par l'opener avec les titres par équipe en jeu entre les Dudley Boys, Boba Ray et Devon contre Edge et Christian. Les champions étaient Edge et Christian et les Dudley Boys se sont imposés après 9 minutes 59. À l'époque, je pense que je vais encore embrayer avec Renault. Ça s'est changé énormément les titres, surtout en 2001 entre trois équipes. Là, on en a deux. Les Hardy Boys, on les retrouvera dans le Royal Rumble match. Petite précision, là je vais y revenir à Mae Young. En 2000, elle s'était prise une powerbomb de Boba Ray, il me semble. Ah bah oui. Voilà. Ouais, du haut du décor, et puis elle était tombée directement sur les tables. Mae Young, je crois qu'il a même porté deux fois hein, dans deux shows différents. Ça avait beaucoup marqué, ça. Ah bah oui, parce qu'il a porté déjà sur des divas, notamment une certaine... Ouais, il a fait Alita plus tard, oui, c'est vrai, exact. Il a fait aussi à Tori, c'est pas Tori Wilson, c'est une autre Tori. Et c'est vrai que c'était assez choquant déjà sur les divas. Alors sur Mae Young, ça avait hyper choqué la foule, quoi. Enfin. Mais voilà, après ce petit aparté, pour le match. Le match, c'est un bon opener avec quatre catcheurs qui travaillent très bien ensemble, on le sait. Ils avaient déjà bossé avec l'Hardys en 2000 aussi, hein, WrestleMania 16. Et, oui, le premier TLC par équipe. Ouais. Exactement. Un peu plus tard d'ailleurs ce match. Ben WrestleMania 7. Non, c'est WrestleMania X7 le premier. Non, mais il y avait SummerSlam. Oui, non, mais le premier TLC. Et non, WrestleMania 16. Ah oui, non, SummerSlam, moi t'as raison. Et SummerSlam 2000. Voilà. Oui. Mais sinon le match là, je trouve qu'il y a une petite baisse à un moment donné, une petite baisse de rythme. Bon, elle est assez logique, c'est quand les Canadiens ils dominent, c'était heel. Puis après Devon quand il fait le tag à Bubba, bon, ça repart à 100 à l'heure et on peut remarquer à quel point les Dudley ils étaient over à l'époque. C'est, oui, quelle ambiance, c'est vrai. Quelle ambiance quand les Dudley dominent. Et ils gagnent à ce moment-là de leur carrière leur deuxième titre par équipe, puisqu'ils avaient déjà été champions en 2000 à No Way Out, en battant les New Age Outlaws. Et c'était que le commencement à l'époque, parce que depuis ils en ont gagné, mais pas qu'il y ait le titre. Et vu que en tout, dans toutes les fédérations, ils ont collecté 23 titres mondiaux. Donc, Mais pour la WWE, ils en ont fait 10. Donc voilà. C'est énorme. Pour dire, on en était qu'au début. Alors, Cage et Christian, on avait déjà chopé, je crois, 6, il me semble, avant. Je ne me trompe pas. Non, Cage et Christian, 4 ou 6, je sais plus. Enfin, voilà. Oui, j'en ai gagné plein. Et puis, ça allait encore changer après à WrestleMania X7, bien sûr, où ce seront Edge et Christian dans un des grands matchs de l'histoire de WrestleMania. Le plus grand match de l'histoire, hein. C'est un critère après à l'appréciation de chacun. Ouais. Et t'as pensé quoi de ce match-là ? Bah, il était très bon. Hein. C'était exactement ce qu'on attendait de ces deux équipes. Franchement, il y a rien à dire, il y a rien d'autre à ajouter. Renaud a tout dit sur l'affrontement. Ces deux équipes légendaires aujourd'hui de la WWE que sont les Dudley Boys et Edge et Christian. Ça nous rend un petit peu nostalgique de revoir ça. C'est vrai que bon, on aimerait voir plus souvent ce genre de type, de ce genre de match aujourd'hui. Malheureusement, ben, on n'a plus autant de charisme qu'à l'époque aujourd'hui. Ben ouais, même si ça aurait pu donner du mieux, parce que ça va, je serais un peu d'avis de notre auditeur qui va accompagner nos analyses, Jason Kendricks, ce soir, qui nous a bien commenté chaque match, et même une note par match, qui dit match correct en tant qu'opener dans la grande tradition de ce qui se faisait à l'époque en termes de match par équipe, deux des plus grandes équipes de l'histoire de la WWE opposées l'une à l'autre, cela ne peut donner que du bon. Il m'a seulement manqué un petit moment de folie dans ce match pour pouvoir l'apprécier pleinement, mais bon, la WWE se rattrapera pleinement lors de WrestleMania X7 avec ce TLC Tag Team Match de pure folie, et pour lui, ce match était noté 6 sur 10, ce qui équivaut à la moyenne chez nous. Et aussi, juste deux petits mots, quand on parle de Edge et Christian contre les Dudley Boys, on a toujours tendance aussi à penser à table, chaise, échelle. Tu vois, on pense oui, aux armes. C'est aussi pour ça que les gens sont peut-être un petit peu déçus, mais en termes de qualité de catch et de match par équipe, c'est quand même ah oui, un très bon niveau. Ben moi j'ai des images de matchs simples aussi, ouais. Y a pas de problème. Hein. Donc ouais. Mais MP, t'as pensé quoi de ce match simple? Mais, des règles tornado quand même, parce que les tags, oui. C'était, il y avait pas trop ça. Hein. Et oui. Ben moi j'ai rejoint aussi Renaud et Gus sur ce match-là. C'est un très bon match par équipe, je trouve. Bien rythmé, comme Renaud l'a dit, ben on ralentit un peu le match quand Edge et Christian sont en domination, mais je veux dire c'est un très bon match. Puis on a très bien bâti le hot tag vers la fin avec Devon, donc je peux que dire des bonnes choses de ce match-là quoi. Même à fois c'est un bon début, donc loué un petit peu par tout le monde. Et je crois qu'on va continuer un petit peu dans cette veine avec le deuxième match au programme. Pour le titre intercontinental, un ladder match, ben justement on parlait de stipulation, en voilà une, avec le champion, un duel de Canadiens, hein, Chris Benoit qui affrontait Chris Jericho, et Chris Jericho l'a emporté après 18 minutes 44, c'était son troisième titre intercontinental. Après on le sait, il est arrivé à 9 vu que c'est le recordman de titres intercontinentaux. Et les deux hommes sont à... Kofi de plus de bien loin. Hein. Quand même, il est à distance respectable encore. Hein. Et les deux hommes sont en rivalité depuis bah, grosso modo le WrestleMania 16 de l'an 2000, où ils étaient dans un match avec Kurt Angle, qui, bon, on en reparlera aussi tout à l'heure, qui avait pas mal de titres à l'époque, et les titres intercontinentaux et européens étaient en jeu. Et puis Chris Benoit puis Chris Jericho avaient chacun chopé un titre. Au départ, l'un de l'autre, et puis la rivalité bah, avait ensuite augmenté avec un match au meilleur des trois tombés, il me semble, après. Plus tardivement dans l'année. Oui, plus tardivement. Hein, et c'est... oui. Ouais, vas-y. Et non, puis, je voulais dire en fait, que le match après... aux trois tombés, c'était au SummerSlam 2000, donc ça arrivait un peu après. Voilà, ouais, c'est ça, oui, voilà. J'hésitais avec le pay-per-view d'après, mais ouais. Mais Judgment Day, il s'était affronté en soumission. Voilà. Voilà, et j'en viens rapidement aussi à l'après, comme quoi les ennemis de ce match assez vivant et bien brutal quand même peuvent s'apprécier. Ils ont fait équipe, ils ont même été champions par équipe plus tard en 2001, après avoir remporté un tournoi match à Judgment Day. Et puis quelques jours après, ils avaient battu Stone Cold et Triple H, donc qui étaient devenus champions par équipe à l'époque. Bon, ils ont pas été bien longtemps, voilà. Pour la petite oui, mais ils avaient quand même conservé leur titre par équipe aussi lors du TLC numéro 3 qui oui, avait oui, eu lieu. Oui, oui, enfin, je dis pas longtemps par rapport à d'autres, mais oui. Mais, ouais, mais je dirais que c'est au rythme de 2001, et puis de dire que justement ils étaient champions en 2001 quand juste avant on a parlé d'équipes qui ont vampirisé le titre, voilà, c'était pour le. Ouais. Pour l'aparté, quand même, les deux ont fait un bon binôme. Ouais. Et justement, ça fait une bonne alchimie dans ce match. Avec l'échelle utilisée comme arme, t'en as pensé quoi, MP? Ben moi, c'est un des gros matchs finalement de l'échelle que je me rappelle. C'est d'ailleurs, je pense, un des matchs qui est sur le DVD là, des ladder match, qui est sorti en 2007, je pense, si je me rappelle bien. Puis, je pense que c'est un des meilleurs matchs concernant l'utilisation de l'échelle, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'inventions qu'on va retrouver dans plusieurs autres matchs par la suite. Puis moi, j'ai toujours cette image-là de gravée dans mon esprit du suicide dive de de Benoît qui est contré avec le chercheur de Jericho. Je trouve que c'est un des spots les plus fous que j'ai vu dans un ladder match. Puis je vais toujours m'en rappeler. Le puis, coup de chaise? Quoi? Le coup de chaise en pleine tête sur un topé suicida? Ouais. Je voulais en parler justement. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh putain !» Je crois qu'il la prend vraiment dans la chaise et ça n'a pas dû aider Chris Benoit sur une certaine affaire de 2007, à mon avis, cette histoire. Ça, le headbutt raté là, plus tard dans le match, là, c'est un truc de fou, quoi. Puis surtout, t'as le Waz aussi en fin de match, assez impressionnant sur l'échelle. Je crois que Jericho l'a plus refait, ou peut-être au Money in the Bank. Si, il l'avait déjà refait il n'y a pas bien bien longtemps, je dirais. Il y a un an et demi à peu près, il me semble. Il l'avait fait lors d'un... Ouais, dans un Money in the Bank, il me semble. Ouais. Il l'a utilisé sur Kofi Kingston. Ouais, c'est ça, ouais. Puis il l'avait réutilisé sur Edge aussi par le passé. Mais c'est vrai que là, c'était la première fois qu'il l'a fait sur une échelle, ouais. C'est beau. C'est la première fois, puis je pense que c'est le plus marquant parce que c'est un ladder match classique, quoi. Puis pour moi, c'est un des trucs, un des ladder matchs que je vais toujours me rappeler. Puis c'est une référence, je pense, dans ce type de match. Peut-être pas au-dessus d'un, par exemple, d'un HBK contre Razor Ramon, mais c'est quand même un ladder match peut-être un peu oublié vu ce qui s'est passé avec Benoît, mais un ladder match très solide, quoi. Renaud? Ouais, je te rejoins totalement. J'ai l'impression aussi qu'il est oublié. Alors là, nous, entre nous, on se dit que c'est mythique tout ça, mais est-ce que c'est la WWE qui fait que elle arrête de parler de Chris Benoit, donc que les gens oublient? Moi, j'ai l'impression quand je vais sur les forums qu'à chaque fois qu'on parle de ladder match, celui-là, il est pas cité ou pratiquement pas, alors que c'est un super combat entre deux catcheurs qui se connaissent par cœur. Hein. Ils ont voyagé ensemble, ils ont appris tous les deux le catch chez les Hart, dans le donjon aussi. Ils étaient ensemble à la New Japan Pro Wrestling aussi au Japon et ils ont catché, ils ont fait plusieurs affrontements là-bas. Je me rappelle aussi de leur combat à la WCW, notamment à Fall Brawl en 96, qui est juste superbe au niveau technique. Donc voilà, moi je trouve quand même qu'il est peut-être sous-estimé par les gens, par les fans, ce match, alors qu'il. Mais justement, ouais. Chris Benoit, on le sait, c'est un sujet sensible pour la WWE avec tout ce qui s'est passé, bien sûr, comment il a mis fin à sa vie, tout ça. Donc, c'est dur de l'évoquer. Et là, j'ai l'analyse de Jason Kendrick. C'est un moment, d'abord, il dit match fabuleux. Il avait oublié à quel point Chris Jericho était magique à l'époque. Voltigeur et technicien hors pair. Quand on l'oppose à un Chris Benoit au top de sa forme dans une stipulation comme un ladder match, ça peut donner qu'un match comme celui-ci. Le moment magistral qui a été retenu aussi par lui, c'est le Waltz sur l'échelle. Et en regardant le match, il s'est également dit que malgré l'affaire sordide qui a mis fin à la vie de Chris Benoit, c'était quand même un catcheur prodigieux. Et à l'époque, le titre intercontinental avait une réelle valeur aussi. Oui. Il a noté 9 sur 10, c'est le match. Donc, Ah oui, non, mais le match était excellent. Hein. Il était meilleur que l'opener, ça c'est clair et net. C'est un super match, les deux lutteurs sont donnés à fond, ça s'est vu. Il y avait de la passion dans ce match. Franchement, non, il n'y a rien à dire là-dessus. Malheureusement, Chris Benoit nous manque dans un ring et Chris Jericho aussi. Et bon, Chris Jericho, Chris Jericho en 2001, d'ailleurs, c'était le départ de sa grande année qui va se finir par le titre Undisputed. Donc. C'est ça. Donc, Chris Jericho est vraiment né en 2001, surtout. La légende Chris Jericho, je veux dire. Oui, la légende. Parce qu'avant, comme le disait Renault, quand même, il avait pas mal roulé sa bosse déjà avant, même s'il était. C'était encore un genou, ouais, quand même. Mais, Oui, c'est un genou, mais sinon, c'est vrai qu'il explose vraiment après sur 2001. Parce que même en 2000, des fois, il était encore en pay-per-view contre China, tout ça. Donc l'utilisation, elle était terrible. Mais Chris Benoit n'est jamais sorti d'un match nickel. Ce mec s'est toujours donné à 200% dans un ring. J'ai pas vu un match de Chris Benoit. Je me rappelle le Minutes Ladder Match. Oh là là, il finit ensemble, tout ça. Ouais, c'était... Ah ouais, non, mais lui. C'était pas le match, c'était le Money de Bank de 2000. C'est celui que Edge gagne, il y a un moment qu'il est mis en service, mais il revient à la fin pour se prendre. Ah, mais Gus, il a fait qu'un match de toute façon, Chris Benoit en Money in the Bank, et c'est celui où Edge gagne, c'est à WrestleMania 21 en 2005. Ouais, 2005. C'est celui-là où il finit ensemble, c'est celui que j'ai vu. Il a pas fait le 2002 aussi? Ah non, parce que de toute façon, il n'y avait pas de Money in the Bank en 2002. WrestleMania 22. WrestleMania 22, non, il affronte JBL ce soir-là pour le titre US. Ah, oui. Mais ce que je voulais dire aussi, très vite, c'est, je pense que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'est deux parce qu'ils sont tellement liés. Bret Hart, on l'associe souvent à Shawn Michaels. Je pense franchement que pour les fans des années 90, on peut associer aussi Chris Benoit à Chris Jericho, tellement les deux sont liés. Et comme je disais, ils ont voyagé ensemble. En plus, c'était de bons amis dans la vraie vie. Et je pense que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était lors d'un Raw au Japon, qui avait eu lieu en 2005. La WWE était venue au Japon en 2005. C'était un combat soumission et ça avait été remporté par Chris Benoit. Après, Jericho était parti et Benoit, lui, est mort en 2007. Donc, je crois qu'ils ne sont plus recroisés officiellement. Voilà, c'est pour le... pour l'anecdote. Oui, non, mais c'est bien. Bah oui, non, mais Renault, la science, je dirais. Merci. Mais c'est bien parce que tu as évoqué China, donc je pense qu'on va faire l'ascenseur émotionnel avec le match qui suit. Ah oui. Ah, on part au moins deux là. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bon. Pour le titre féminin, entre la championne Ivory accompagnée de Steven Richards qui affrontait China. Victoire de Ivory en 3 minutes 32 qui a conservé le titre. De manière assez catastrophique et qui va se faire démolir par China, on le sait, à WrestleMania en perdant le titre à vitesse flash éclair. Et là, bon, il n'y avait pas vraiment de match, une énorme différence, bien sûr. Que dire, China était jouée, celle qui était énormément blessée au cou à l'époque parce qu'elle s'était chopée un méchant pile driver quelques semaines auparavant. Et d'ailleurs, il y a Billy Gunn, il se préoccupait d'elle un petit peu plus tôt avant le match. Et bah voilà, d'un coup, elle s'est écroulée alors qu'elle s'est lancée pour finir Ivory. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Un peu moche, et d'ailleurs, t'en as pensé quoi, Gus? Je vais t'achever, ça y est. Tu veux m'achever? Non, mais il n'y a rien à dire sur ce match-là, c'était pourri. Voilà. C'est un match impliquant China, quoi, c'est tout. C'était China avant le porno, quoi. Ouais, et puis en face, c'était quand même... voilà quoi. Ivory, ça a rien de bien impressionnant. Je me rappelais même plus qu'il y avait Ivory contre China, pour te dire. J'ai vu le show la semaine dernière, hein, mais il m'a pas du tout marqué ce match. Je m'en fous complètement. Les 3 minutes. Parce qu'il 3 minutes 32, il a duré. China m'inspire pas trop. Puis là, il n'y a pas de belle diva, donc un match de diva sans belle diva, je m'en fous un petit peu. Ah ouais. Mais petite analyse de Jason Kendricks, qui dit en gros, c'est un match qui ne sert à rien à part à servir de transition entre le match pour le titre intercontinental et le match pour le titre mondial dont on va parler après. Une China en fin de carrière contre une Ivory complètement perdue dans une gimmick et surtout un clan complètement naze. Et donc ça donne ce genre de match. Ce match fait oublier à quel point les deux sont dimanche championnes. Ivory est la championne féminine la plus hardcore de l'histoire et China la première femme à devenir championne intercontinentale. En conclusion, un match inutile qui conduira à WrestleMania 17 et un match pas beaucoup plus intéressant. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, remporté par China. Lui, il a noté 2 sur 10 ce match. T'as pensé quoi, Renaud? Ouais, ben déjà je remercie Jason pour son analyse, puisque comme ça sera vite pour moi. Juste parce que je pense pareil que lui à 100%. Et juste le clan, pour préciser quand même, le clan pourri qui parle pour Ivory, c'est les Right to Censor. Oui, voilà, on y reviendra au Rumble de façon très rapide, mais ouais. Voilà, donc c'était Steven Richards qui était le leader, il y avait Ivory, Val Venise, Bulbukanan. Ah oui, et avec ce fameux horrible là. Oui, c'est les gars qui étaient... les mecs qui les types qui viennent avec des cravates et des chemises blanches, là. Ouais, avec la musique... Ouais, non, mais c'est une musique qui fait mal au crâne, quoi. Qui a affronté APA, là, à WrestleMania aussi. Surtout qu'il y en avait au moins 3 ou 4 qui sont rentrés dans le Rumble, c'était chiant. C'était justement ça, la gimmick du truc, c'était de faire chier les gens, et ça marchait, la musique marchait, et puis leur discours, ça marchait. Donc. Les trucs, voilà, c'était ça. C'était très chiant. Voilà, sinon MP... je sais pas quoi dire sur ce match, à part Z. XXX pour China. Et d'ailleurs, ouais. Ça nous donne l'occasion, c'est vrai, de rebondir en plus avec le match qui suit. Gus, qui ça lui manquait des belles femmes, il y en avait une sur deux, on va dire, dans le match d'après, grosso modo, non, je déconne, elle était pas dégueulasse, Stéphanie. Hein. Elle est bonne, mais je me rappelle. J'aime pas Stéphanie McMahon comme femme. Je me rappelle, on avait déjà évoqué, bon, sans s'en foutre. C'est pas du tout mon style. Quoique sur l'affiche du Chamber à 2014, elle est sympathique. Ouais, elle est toute retouchée. Attends. Là-dessus, elle est toute retouchée, mais là-dessus, elle est bien, mais sinon. Tu préfères Stéphanie ou Linda? Bah, je préfère Stéphanie que Linda McMahon, déconne pas mec, je suis pas un homme à cougar moi. Ah, je sais pas, écoute, moi je demande. Quoique, elle pourrait être ma cougar, Stéphanie, elle a 40 ans passés. Ouais, donc, ouais, non mais franchement. Non, mais pour ses considérations, à l'époque elle était quand même beaucoup plus jeune déjà, de 13 ans, Ben donc ouais. c'était différent. Elle était, bon, évidemment, déjà la femme de Triple H. Mais c'est vrai que vous disiez, mais je me rappelle, on l'avait évoqué lors du podcast des Survivor Series 2001, qu'à l'époque, le catch féminin, c'était pas fameux, c'était beaucoup de la plastique. Paradoxalement, bon, c'était pas vraiment le cas du match féminin là, de ce soir-là au Rumble, Non. mais il y avait beaucoup de plastique à l'époque, c'était pas vraiment le catch qui se distinguait. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs l'utilisation de Trish Stratus, la fan de... Enfin, la fan, enfin, MP, il aimerait bien que ça soit sa fan, mais c'est lui ça. Ça C'est serait lui le fan cool. premier, mais à l'époque, bah, c'était en quelque sorte la maîtresse de Vince McMahon, donc il y a eu pataque avec Stéphanie. Oui, j'anticipe un tout petit peu pour introduire le match suivant qui va être un sacré bazar sur la fin. Oui. Pour le titre de champion WWF à l'époque, et n'oublions pas que c'était pas encore WWE bien sûr, qui opposait le champion Kurt Angle, sortant d'une énorme année 2000, qui affrontait Triple H, chacun accompagné donc Kurt Angle par Trish Stratus, cette fois-ci je l'ai dit un peu mieux tout à l'heure, et Triple H donc par sa femme Stephanie McMahon, Helmsley, pardon. Voilà, on s'en Hemsley, voyait, voilà. Hemsley. C'est vrai que c'est assez compliqué à dire. Voilà, le match a duré 24 minutes 16, il a été un peu fou, un catfight, Stone Cold Steve Austin qui arrive à la fin parce que il y a une Parce raison à qu'il y a une cela. histoire. Il y a une Voilà, c'est histoire. ça. Mais bien sûr, c'est que quand même Triple H lui avait quand même causé une chance de titre très claire contre Kurt Angle et lui était même passé devant littéralement. Donc il n'avait pas beaucoup apprécié, on le comprend bien, ce match a été décidé à peine 10 jours avant le pay-per-view. Et bah, pour revenir à Kurt Angle, je vais rebondir avec le monsieur histoire du lot, le Renault, qui sort d'une année 2000 incomparable. Il a gagné tous les titres cette année-là. C'est un truc de fou. Incroyable, une année 2000 énorme. Ouais, il avait gagné tous les titres, c'était assez exceptionnel. Et puis c'était toujours des chefs-d'œuvre, hein, tous ces matchs dans le ring, c'était juste énorme. Là, c'est la première grosse année de Kurt Angle en 2000. Et Angle is God. Eh oui, ben C'est c'était, pour il ça avait qu'on été attend. désigné rookie de l'année d'ailleurs, hein, donc. Angle is God, les gars. Oui, donc, mais pour revenir donc au match et tout ça, mais il avait une pop assez bizarre quand même. Et là, le public n'interagissait pas beaucoup. Et parce que tu peux pas t'identifier à lui. Tu peux t'identifier à un C'est ça. buveur de bière comme Stone Cold Steve Et Austin. Non d'ailleurs, j'en reviens, mais il avait le sérieusement. même thème qui plus tard sera beaucoup plus célèbre avec les You Suck. Et Oui. d'ailleurs, en Ah 2000, bah ouais. il était heel. Bah bien sûr. Bien Donc sûr. son Et... Ouais, personnage mais était plus identifié. il n'y avait pas encore l'histoire You Suck, je sais plus. Je crois que c'était venu avec sur une rivalité avec Edge, cette histoire de You Suck. Exactement. Oui, Et en puis 2000. Donc, voilà, une année plus tard, donc il avait c'était, voilà, c'était un an pas plus tard, perdu ses donc cheveux, ça tout c'est ça. pas. Mais... Enfin, déjà qu'il n'en avait pas beaucoup à l'époque, donc Oh, il y en avait quand même. Hein. pas trop lors de ce Pas match quand même, on beaucoup, remarque. mais Hein. il y D'ailleurs, en c'est avait. assez marrant parce que Triple H essayait de lui tirer des fois les cheveux, mais il n'y avait pas grand-chose à Ah, mais tirer. ça, c'est Triple H, toujours, il veut tirer les cheveux de tout le monde, lui. Mais lui, il les avait longs à l'époque. Hein. On sait que maintenant, il les a rasés, donc voilà. Ah bah Bref, oui. pour revenir au Ouais. match, donc un petit peu la folie, tu vois, juste comment. Bah c'est du bon catch avec, voilà, comme tu disais, un angle énorme à tous les matchs, je le disais aussi. Puis Triple H aussi, hein. Triple H, l'année 2000 de Triple H, elle est énorme. Hein. Elle est énormissime. Donc c'est vraiment là, on prend deux catcheurs au sommet de leur forme. Rare. Et oui, de leur art. Même si la Oui. deuxième partie 2001, il la ratera parce que tout à l'heure, j'ai Oui. évoqué la fois où il était champion par équipe avec Steve Austin. Donc là, c'était les meilleurs ennemis. Non, quand Mais ils étaient en équipe, c'était les c'était Power Trip. voilà, et Les Power Trip. il s'était sévèrement blessé au quadriceps, donc il avait raté le Exactement. reste de l'année 2001, mais beaucoup plus tard, hein, quand même. Oh, c'est pauvre, c'est vermé, hein. Mai-juin, il se blesse Voilà, au genou. ça. Mais sur ce match-là, j'ai noté quand même un Razor's Edge de Triple H sur Angle, ça c'est assez rare. Et puis j'ai noté surtout que le moonsault de Angle, qui est superbe, qu'on voit pratiquement toujours, qui est souvent esquivé, ne l'est pas là. Là, il n'est pas esquivé. J'avais noté qu'il n'avait pas été esquivé contre Stone Cold Steve Austin au SummerSlam 2001. Et là, je note aussi qu'il n'est pas esquivé dans ce match-là. Ça m'a fait plaisir. Moi, le catfight des femmes m'a un peu gêné quand même parce que je le trouve un peu long. Et je trouve qu'il casse un peu le match Ouais, en plein moi milieu. aussi je dirais, ben ouais, parce que d'un coup le match, il s'est plus rien passé sur le ring, d'un coup là, on voyait, Pendant 2 minutes, c'est vrai, ça durait vraiment longtemps. Voilà, ça durait un peu trop longtemps, ça nous a coupé le match. Et sur un plan totalement personnel, la référence ultime pour moi entre Kurt Angle et Triple H, c'est Unforgiven 2000. Unforgiven 2000 où Stéphanie était déjà avec Triple H, puis elle était devenue la gérante de Kurt Angle professionnellement. Triple H était jaloux, ça avait donné un combat énorme à Unforgiven 2000 remporté par le game. Et il s'était affronté aussi à No Way Out 2002, où en fait Triple H avait remis son poste de challenger en jeu, puisque Triple H avait gagné le Royal Rumble 2002, et il avait remis sa place à WrestleMania en jeu contre Kurt Angle. Et Stephanie McMahon avait fait l'arbitre, et à cette époque-là, Stephanie McMahon, elle était en froid avec Triple H, elle était plutôt du côté de Kurt Angle. Ça avait donné aussi un très bon match à No Way Out 2002, mais bon, voilà, Unforgiven 2000, pour moi, ça, c'est le summum des deux. Et sinon, tu disais aussi que Stone Cold Steve Austin intervient et coûte le match, littéralement, à Triple H. Oui, oui, avec le stunner, ah, oui. Oui, oui. Avec le stunner, alors c'est vrai que, comme tu dis, il y avait coûté aussi quelques jours avant à Raw. À Raw, il y avait une histoire entre les deux, mais c'est surtout que fin 2000, ils se sont mis sur la tronche, un truc de fou les deux. C'était une rivalité de dingue. Triple H avait payé Rikishi pour que Rikishi renverse Stone Cold Steve Austin en voiture. Il avait renversé. Austin après était revenu, ça avait donné un combat entre les deux au Survivor Series, un match no disqualification, ça s'est terminé dans un bain de sang pas possible. Triple H avait voulu s'échapper dans ce match-là, les mecs étaient sur le parking extérieur, Triple H monte dans une voiture, Austin arrive avec un gros véhicule, soulève la voiture en l'air, monte la voiture jusqu'au ciel et laisse tomber la voiture avec Triple H dedans. Donc ça avait vraiment donné une guerre énorme entre les deux. Le mois d'après, après le Royal Rumble 2001, ils se raffrontent à No Way Out 2001 dans un Twisted of Hell légendaire, pour moi le meilleur que j'ai vu à la WWE, ce qui sera gagné aussi par Triple H. Donc, et puis après, comme tu disais, ils formeront les Power Trip ensemble. Donc voilà, Triple H Angle, j'ai trouvé là au Royal Rumble que c'était du bon catch, un bon match entre deux catcheurs au top, mais ça me fera pas oublier Unforgiven 2000. Voilà. Et MP, t'as pensé quoi de ce joyeux bazar, enfin, avec de la qualité au milieu quand même? Ben, je crois que c'est quand même un gros match malgré l'overbooking là. Je pense qu'on peut le voir là, avec le 4 fights au milieu et l'intervention d'Austin à la fin. Je pense qu'il y a un gros overbooking, mais je pense que c'est quand même un match assez, comme Renaud l'a dit, quand même assez techniquement, c'est assez fiable avec ces deux gars-là, surtout Angle qui est quand même une machine dans le ring, quoi. Mais surtout, j'ai trouvé, bon, on l'a pas particulièrement noté, mais le travail de la jambe de Triple H sur Angle là, est quand même assez bien fait. Puis Triple H, bon, ça paraît pas toujours, mais il y a quand même une assez grande palette dans le ring, quoi. Il sort même un Indian Deadlock à m'emmener, je crois, dans le milieu du match. Donc, c'est des trucs qu'on voit peut-être plus rarement du côté de Triple H, mais je trouvais que c'est un gros match. Puis, comme Renaud l'a dit, ça, malgré l'intervention de Dustin à la fin, on peut quand même apprécier ce que ça va mener à la fin dans le Rumble match. Il y a quand même une suite à ça. Puis le gros match à No Way Out, je sais pas si c'est le main event de No Way Out. Mais... Non, c'est pas le main event. Le main event, c'était Kurt Angle contre le Rock pour le titre. Mais ça aurait pu être le main event, clairement. Parce que c'était un match quoi, de 45 minutes, je pense. Ouais. Excellent match. Ben, si vous l'avez pas regardé, je le conseille fortement. Parce que c'est un des matchs, je pense, référence l'attitude era de... que vous devez absolument voir, quoi. Mais évidemment. Et puis là, Jason Kendricks, justement, tu dis référence de l'attitude era. Pour lui, ce match, la Kurt Angle Triple H, est un match très représentatif, vu que ça parle en tous les sens, beaucoup d'intensité, un public très réceptif, une intervention de Vince McMahon, et il a bien aimé ce match, même s'il y avait un petit air de déjà-vu et que cela manquait un peu de folie. Paradoxalement. Et mention à Kurt Angle qui était juste au top du top à cette époque, et notamment dans ce match, il a noté 7 sur 10. T'as pensé quoi, Gus? Ce match pour le titre WWF, Renaud a tout dit. Hein. Qu'est-ce que je rajoute de plus? C'était juste sublime, quoi. Angle, Triple H, ça peut donner que du bon, surtout à cette époque-là, quoi. Donc moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Je suis complètement d'accord avec l'analyse de Renaud, donc rien à dire. Moi, j'ai plus de choses à dire sur le Rumble, tu vois. Oh, mais il y a toujours des choses à dire. D'ailleurs, là, le Rumble, ben, on va y aller pour la présentation. C'est la présentation la plus longue, je crois, de tous les temps. C'est obligé parce que, bah, ben, 30 superstars qui rentrent toutes les 2 minutes avec les deux qui démarrent au début, bien sûr. Donc allons-y, ça y est, j'ai pris la respiration parce que je vais vous énoncer 30 participants dans l'ordre. Jeff Hardy, Bulbokanan, Matt Hardy, Farouk, Drew Carey, Kane, Raven, Al Snow, Barry Saturn, Steve Blackman, Grandmaster Sexay, Young Ketokman, The Rock, The Godfather, Taz, John Bradshaw, Albert, Hardcore, Kakwik, Val Venis, William Regal, Test, Big Show, Crash Holly, The Undertaker, bien sûr, Scotty 2OT, Steve Austin, Billy Gunn, Haku et Rikishi, le dernier. Le vainqueur. Merci. Bravo. Le vainqueur. Quel accent. Ouais, mais j'ai pas mis autant de... Ouais, j'ai forcé, là. Enfin, on me reproche souvent l'accent, là, sur le coup, j'ai forcé, ouais. Et le vainqueur est Steve Austin après 1 heure, 1 minute 55 secondes. La palme, bien sûr, à Kane. L'histoire a été écrite avec 11 éliminations et 53 minutes 55. C'est lui qui est resté plus longtemps sur le ring. C'est énorme le temps qu'est resté Kane sur le ring. Il est resté quand même 6e et fini 29e dans l'ordre des éliminations. Donc le dernier présent. Non, Kane a écrit l'histoire. Ouais. Kane a écrit l'histoire du Royal Rumble dans ce match-là. Donc, de toute façon, 11 éliminations, je pense que le record ne devra jamais tomber. Parce que c'est un record inégalable. Pour ceux qui disent... une des performances individuelles dans un Rumble les plus marquantes dans les C'est même la performance individuelle dans un Rumble la plus marquante de l'histoire. T'as 11 éliminations. Ah, ouais. Il t'en sort, je crois, 6 ou 7 d'un coup, Kane, au bout d'un moment. Avant l'entrée de The Rock, hein, il t'en sort 6 ou 7 d'un coup, juste avant l'entrée de The Rock. C'est juste impensable. Il s'est fait tout le monde. Le match est super bon. J'ai bien aimé la façon dont il est rentré quand Drew Carey était sur le ring. C'était assez drôle. J'ai bien aimé. C'était assez comique, c'était l'instant comique du Rumble. Il y en a toujours un dans un Rumble et celui-là passait très bien. L'affrontement Hardy était excellent. C'était à l'époque où j'avais rien à reprocher à Jeff Hardy. Donc si vous les allez m'entendre parler du bien de Jeff Hardy, c'est bien dans ce match-là parce que là-dessus on n'a rien à reprocher. Le match est bon, l'alchimie entre les deux superstars est bonne parce que bon, bien sûr, ils se connaissent. Hein. Il y a rien à dire là-dessus. Quick. Vous vous rappelez de Kekwik? Erchouf. Erchouf. Ah bah oui. Il chantait déjà son ah thème oui. song. Après, c'est vrai qu'il y a des noms. Par exemple, Albert, eh ben, c'est Tensai. Albert, c'est voilà. Tensai aujourd'hui. Bracho, à l'époque, il était en équipe avec Farouk dans les Happy Hay. Exactement. Oui, JBL, bien sûr. Voilà donc, nouveau, donc JBL. Il y avait qui d'autre, là, comme nom qu'on connaît pas beaucoup. Enfin, des noms communs. Mais dernièrement, on a retrouvé dans le Road School Grandmaster Sexay, là, qui est Brian Christopher et Scotty 2OT. Voilà, oui, qui avait fait un bon match d'ailleurs. Hein. Le Grand Master Sexy est le fils de Jerry le King Lawler dans la vraie vie. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ah, j'ai pas entendu que t'avais dit que c'était le fils. C'est juste, les gars, c'est juste que c'est ce que je voulais dire depuis de moins, c'est ce que j'avais préparé le terme pour quand j'allais parler du Grand Master Sexy, mais c'est pas grave. Merci. non, le match est super bon, c'est l'un des meilleurs Rumble matchs de l'histoire. Et je sais que je vais venir avec toi et Gus quand même le truc. On s'attache ces dernières années au numéro 13 qui se fait souvent virer. Non, 14. Cette année, c'est le numéro 14. Ah, d'accord. Pardon. Il se fait virer souvent. Et le moi, 13, tu peux dire c'est quand un même numéro des fois un peu. Non, c'est le numéro 14 et le numéro 18. Prestigieux là, The Rock, voilà. Et c'était The Godfather là. The Godfather en 14 et notre numéro un peu porte-malheur, c'est le 18 et c'était Hardcore. Ouais, voilà, ouais. Non, mais ouais. Oui, Le Godfather est resté 14 secondes et Hardcore Holly, lui, est resté un petit quart d'heure quand même. C'est pas mal. Pour moi, Hardcore Holly sera toujours un mec malchanceux avec le. Quand il s'est gouré en 2006 à la CW, je sais pas si Renaud s'en rappelle, mais le mec il saigne épouvantablement après avoir pris une table. Oui, c'est sur la souplesse arrière de Rob Van Damme. Ouais. La table elle se pète et lui il se prend le bout de ferraille sous la table qui l'ouvre une grosse entaille, mais il continue le match, hein, il continue le match jusqu'au bout. Ouais. J'aime pas Hardcore Holly, mais là quand même, bon. Je voulais parler aussi de l'entrée de Steve Austin. Au moment de l'entrée de Steve Austin, on a la revanche de Triple H qui vient se venger, qui vient tabasser et foutre en sang complètement Steve Austin aussi. Austin, je crois, est out au moins pendant 5 minutes jusqu'à l'entrée de Rikishi. Vraiment aussi un passage marquant parce que bon, il a le point commun avec The Rock qui lui aussi a été out. À cause du Big Show, il me semble, voilà, qu'il a fait passer à travers le câble, donc. Je crois que c'était sous un choc slam, je crois. Je sais pas, j'ai un petit C'est le doute. choc slam sur le Oui, Rock. c'est ça, oui, voilà. On voit le Rock un petit peu comme le Royal Rumble l'année dernière. Je sais pas si vous vous rappelez, qui après être passé par-dessus, enfin à travers une table, revient sur le ring et finit. Bon, là, il ne gagne pas comparé à l'année dernière, hein, mais il a quand même été éliminé 28e, il me semble. Les trois derniers, c'était Steve Austin, Kane et The Rock, c'est Oui, ça. voilà. Et puis il y avait Billy Gunn avant, voilà. Oui. C'est Et ça. Rikishi qui a été éliminé aussi encore avant, bien sûr. Ouais, mais Rikishi, il n'a pas Et trop marqué le qui a fait Rumble une parce qu'il toute est resté petite, que ouais. 2 minutes et 29 secondes. Il avait gagné le droit de rentrer en dernier, mais finalement il n'a rien fait, ouais, c'est vrai. Il n'a rien fait du tout, donc on s'en foutait en fait C'est un frère de d'autre. Rikishi. J'ai bien aimé l'utilisation de la boule de bowling aussi dans les coucougnettes de Al Snow sur Raven, je sais plus c'est lequel des deux, Passage, passage. Ben oui, Al Snow c'est un qui spot entre Al avait. Snow et Raven, c'est entre les deux que ça se passe, C'est Al c'était Snow en qui s'en est. rivalité, donc d'ailleurs Al Ouais, Snow oui. il a anticipé son entrée, donc vu C'est qu'il est ça. carrément allé se bastonner avec Raven, donc voilà. C'est la guerre. Il pouvait aller tout, ça s'est bien amusé avec Kane, là c'était bien joué ce moment-là, c'est sûr. D'ailleurs, Jeff Hardy s'auto-élimine en faisant tomber Bah, Jeff, les deux. Jeff et je Matt, sais pas les si deux. je sais si Dans la c'était séquence vraiment. comique où t'as Drew Carey, du coup, qui se retrouve tout seul, tranquille. Oui, voilà, c'est ça, mais Et je puis sais après, pas si c'était il prévu. voit Kane arriver et il dit au Hardy, revenez, revenez. Mais Voilà. je sais pas si c'était prévu la chute de Jeff Hardy, parce que si on regarde bien, là, on dirait qu'elle n'est pas faite exprès. Hein. Elle est prévue, Gus. Je Elle est t'assure qu'elle prévue? est ouais, je t'assure. Elle est Vraiment, prévue, franchement, franchement, à ce niveau-là. ouais. À ce Pour laisser niveau-là. justement Drew Carey célébrer avec les fans qui le voient. Oui. D'ailleurs, ça en avait, bon voilà, ils en avaient parlé à l'époque, c'était clairement pas. À l'époque, t'en avais pensé quoi, Renaud, de Drew Carey dans le Rumble, ça Ça m'avait t'avait fait chier, ça chié? m'avait cassé les Ouais. couilles complets, ouais. Voilà, je te dis Eh la oui, vérité. parce Bah, que maintenant, c'était une après, avec du célébrité recul, ça qui va. fallait promouvoir son show de la semaine d'après, c'est tout, donc. Avec du recul, ça va. Bon, voilà. Mais bon, sincèrement, il a servi à rien. Même pas, regarde, même pas, il a participé, même pas, il a pris un coup. Il se fait étrangler par Kane, à peine. Ah, c'est chic, Non, mais non, mais je veux pas qu'il le tue. Mais un exemple, à la WCW, t'avais Jay Leno. Tu connais Jay Leno, le présentateur? Ça te dit quelque chose? Non. Bon, c'est pas grave. Jay Leno, c'est un présentateur de talk show américain avec un gros menton là. Le mec, il était venu à la WCW, il avait fait équipe avec DDP. Oui les gars, je suis obligé de parler de DDP, désolé. Et il les avait affrontés Hollywood Hogan et Eric Bischoff. Mais Jay Leno, Oui. le match, attention, il n'est pas super. Hein, voilà. Mais Jay Non, je te Leno avait crois fait plus. quelques trucs. Corde à linge, bon voilà, il était investi. Là, Drew Carey quand même. Ouais, bah attends, mais tu vois Drew Carey faire une corde à linge Mais à non, mais Kane? prends une petite foubette sur le ring et mets un petit coup sur Kane ou fais un petit truc. Enfin Il est voilà. déjà arrivé des stars Oh, comme plus ça qui sérieux, ont donné franchement. du leur pour un tout petit Mais truc, oui, voilà. voilà, un Surtout tout que c'est petit truc. contrôlé, c'est des professionnels en face. Un tout petit truc. Regarde le vieux Donald Trump qui avait mis une corde à linge à McMahon à WrestleMania 23. Je dis pas qu'il tue Kane, mais fais un petit truc. Là, il est venu sur le ring, il lève les bras, il voit les catcheurs se catcher entre eux, puis il passe au-dessus de la troisième corde, il se casse. Bon. Ben oui. Mais Au contraire du Honky Tonk Man qui lui a fait son retour pour se prendre sa guitare plein à la en tronche. pleine gueule. Vas-y MP, oui. Et je t'ai pas dire, honnêtement, j'aime mieux avoir Drew Carey dans le Rumble qu'avoir un truc comme ce qu'ils ont fait il y a quelques années là, avec Cole et Lawler et Oh, Hulk, les problèmes de tout terre. venu dans le Mais roster. c'était au moment, je crois, où c'était l'année où ils étaient 40 à rentrer, et c'était assez rigolo, c'était assez comique comme situation de voir les trois commentateurs C'est rentrer bien dans que le c'était Rumble. 40, parce que là, c'est vrai qu'à 30, bon, voilà, c'est sûr, on peut discuter de la place de Drew Carey, surtout qu'il a été Hall of Fame après pour cette performance, donc bon. Oui, chaque année, Toujours un peu il y a le discuté, fait d'anniversaire oui, voilà. Toujours Mais en même discuté. temps, on D'ailleurs, Drew Carey était Hall of Famer l'année dernière, je crois. Ben oui, ben ça a été beaucoup discuté l'année dernière sur l'intronisation, oui, c'est ça. Pas l'année dernière, les gars, l'année dernière, la L'année classe Hall d'avant, of Fame, elle était juste énorme. pardon, c'était l'année d'avant, alors. Voilà. Intronisé par Kane. C'est Il vraiment n'y avait deux ans, pas c'est ça. une. Il y avait ce qui fait qui la célébrité l'année dernière. Donald Trump. Voilà, Exactement. oui, non, mais ça a envoyé, oui, l'année dernière. Mais avant de passer sur l'analyse complète avec MP et Renault, les avis auditeurs avec Jason Kendricks qui dit sûrement le Royal Rumble, le match le plus hardcore de l'histoire. Complètement fou avec un Kane extrême jusqu'au bout des ongles qui va éliminer donc 11 superstars. Je vais faire un petit rajout, le truc marrant, c'est qu'il a éliminé les numéros 7 à 11, tous dans cette zone. Oui. Entre autres. Le Oui, mais petit problème. c'est quand il élimine les 6, enfin les 7 d'un coup. Les 7 en quoi? En même pas 30 secondes. Blackman, Al Snow, Grandmaster Sexy, Saturn, Raven et le Honky Tonk Man. C'est ça. Eh oui. Et pour lui, le petit problème du Rumble, c'est que certaines rivalités ont pointé le bout de leur nez, tel Austin contre Triple H ou encore le Big Show contre The Rock, et qu'au final, il n'y a aucune suite à cela les semaines suivantes. Non, ah non. Pas tout à fait vrai dans le cas d'Austin, Triple H. Ah non, Jason, excuse-moi, là, mais voilà. Et même Big Et Show contre, Rock, ils je vont vais se faire finir pour... juste, je vais finir juste avec fin de match logique avec une victoire d'Austin qui faisait partie des grands favoris dès le départ avec Kane, note 8 sur 10, voilà. Allez-y. Moi, tu vois, j'y mettrais 10 sur 10 à ce Rumble match, pas au pay-per-view, hein, mais à ce Rumble match, c'est un 10 sur 10. Mais j'allais dire que Big Show et Rock, selon ma mémoire, vont se réaffronter à No Way Out pour le titre, si je me rappelle bien. Non, non, No Way Out, c'était Kurt Angle contre The Rock. Oui, Mais The il y a Rock un sera mais, champion d'ailleurs, non. cette tu fois-ci-là. confonds le No Way Out 2000, Oui, mon ami. voilà, ah oui, une année de décalage, c'est tout, mais bon. Il y a quand même une suite à cette histoire-là, si je veux dire, Mais c'est c'est pas une surtout, rivalité immédiat. lancée comme ça, quoi. Mais c'est surtout en plus que si le Rock avait gagné le Rumble un an avant, il élimine qui en finale? Il élimine le Big Show. Il y a des choses aussi que les bookers retiennent et puis qui refont ressurgir un an après. Là, on est au Rumble. Bon, Voilà. voilà, le Big Show en plus se refait sortir par le Rock. Donc ça reprend un peu forme, la feud en quelque sorte. Et puis en plus, je pense que c'est le retour du Big Show. ouais, c'est le retour du Big Show ce soir-là. Alors juste ce que je voulais dire, c'est que... Bon, bah, c'est Steve Austin qui gagne le Rumble, mais c'est clairement le Rumble de Kane, comme on le dit depuis tout à l'heure. Et j'avais fait le show en live sur Canal+. Bon, j'étais comme un fou à cette époque. J'étais pour Kane. C'était en live à l'époque? Il Et n'y avait ouais, pas il était de... passé en live dans la nuit. Mais tu sais ce qu'il faisait à l'époque, Oui. Canal+. Le problème, c'est qu'il nous coupait le show. Il nous mettait les pays ivoires contre China d'un côté. Là, je les Oui, c'est remercie. pas... Mais voilà. Oui, Mais pareil. voilà, il faisait Voilà. ça. Et ce que je veux dire aussi, c'est que Kane, lui, par contre, sort pas non plus d'une année 2000. Tant exceptionnel que ça, quoi. Je veux dire, il faisait pas partie des favoris du match. C'était un danger du match, mais les deux gros favoris étaient le Rock et Austin, Oui, et pas les Kane. épouvantails, chacun en avait déjà gagné, donc voilà, Exactement. Et là, Kane, et tu le vois qu'au fur et à mesure du match, tu te dis, non, mais c'est le soir de Kane, il va aller jusqu'au bout. C'est juste incroyable. En 2000, il avait été champion par équipe avec X-Pac. Après, il avait eu une feud avec lui, puis une feud aussi très vite avec Undertaker. Bon, c'est une bonne année, mais pas une grande Et année. là, les Et deux là, étaient associés, c'est là, pas en d'ailleurs. 2001 où c'est en quelle année où il est champion par équipe avec Hurricane? C'est en 2002 qu'il est champion par En équipe avec 2002? l'Hurricane. Ouais, c'est en 2002 qu'il devient champion par équipe avec l'Hurricane. Mais ce que je voulais dire aussi, oui, c'est qu'il est hyper actif, pardon. C'est ça. C'est qu'en plus, il reste pas dans son coin, Kane. Si vous regardez Oui, vraiment le il match, prend les coups, il met les coups, c'est il un truc de prend fou. les coups, il met les coups, il passe d'un match hardcore avec plusieurs gars qui lui sautent dessus. On l'a dit, un Black Man, Al Snow, le Grand Master, Saturn, Raven, enfin voilà. Après, il y a le Rock, c'est limite un 1 contre 1 contre le Rock quand le Rock arrive. Ah Puis là là, le après, il y a... match devient fou là. Là, il s'était évidemment, on connaît les tempos d'un Rumble, surtout pendant plus d'une heure. Pardon, je t'interromps, Prono, mais Vas-y, je t'en prie. voilà, à partir du Rock, là, ça prend une intensité de fou. Et puis la fin, ouais, énorme. Puis L'échange la avec fin. Austin, Kane est très très bon aussi. Kane est très très bon. Et puis après aussi, on a le Taker qui arrive. Et il y a un peu les Brothers of Destruction qui se reforment. Taker l'aide. Ils sont là tous les deux à deux en train de faire des chokeslam et de céder. Non, franchement, hein, Kane, là, il livre vraiment la performance de la soirée. Et c'est mythique. Pour moi, voilà, c'est clairement mythique. Quand je pense à Kane, je pense au Rumble 2001. Voilà. Et Et pour Stone Cold Steve Austin, très vite, Bruce, excuse-moi, je finis sur ça. Pour Stone Cold Steve Austin, quand même, enfin, noter que c'est la troisième fois qu'il gagne le Rumble dans sa carrière. C'est Ah, historique, c'était hein, son parce que personne match. ne l'a refait. C'était son match. Personne ne l'a refait. 97, 98, 2001. Pour Et l'instant, il n'y a encore, si personne qui en a c'était gagné. pas fait arnaquer par Vince McMahon une année, il aurait pu en rajouter un autre. Hein. 99, Et ouais. ouais. Avant de passer à MP, la petite analyse de Grégory Gourdou qui a dit un des plus gros Royal Rumble match de l'histoire dans cette édition marquée par la victoire d'Austin et sa tronche ensanglantée à cause de la baston avec Triple H. Et il anticipait déjà la grosse rivalité, évidemment la fameuse rivalité reconduite avec The Rock, avec le gros match à WrestleMania 17, pour la deuxième fois qui voilà. Donc vas-y MP, oui. Ouais, ben je vais essayer de garder ça court, mais j'étais pour dire tout à l'heure à Arnaud pour le Austin qui l'a gagné 3 fois, de pas dire ça, sinon Cena va leur gagner cette année pour faire une troisième fois de son côté, mais ce que j'espère vraiment pas, Ouais, je te rejoins. Je te surtout avec rejoins. Brian qui devrait, j'espère, le gagner cette année. Et par contre, commotion cérébrale, Daniel Bryan. Juste un petit truc, MP, ce que Cena ne pourra jamais faire qu'Austin a fait, c'est que même Cena, s'il le gagne pour la troisième fois, Austin, il en a gagné deux de suite, mais il avait fait le 97-98 puis le 2001. Là, ça, il pourra pas parce que le premier qu'il a gagné, c'était en 2008. Donc déjà, ça, tu vois, c'est un truc pour moi, ça, c'est important. Mais j'aimerais pas non plus. Hein, j'aimerais pas non plus. Désolé pour les fans de Senna qui nous écoutent, mais j'aimerais pas. Oh, chacun son avis aussi. Ah oui, chacun un son favori. Avis. Enfin bon, voilà pour la petite. Alors qu'à l'époque, bon, si aucun n'était là, hein, mais enfin, je parle pour Senna et Batista. Ah, oui. Senna Batista, ça me rappelle un petit Rumble, ça. Mais donc MP sur le match Oui, global. Je vois bien l'analyse. Ben, je vais faire ça court parce qu'on a déjà abondamment parlé du Rumble, mais c'est. On peut, y a toujours des choses à dire, hein, donc. Vas-y, MP. Je voulais revenir, je pense, sur un truc qui est quand même assez important, c'est le fait que justement, on a eu ce côté un peu hardcore dans le Rumble qui revient pas souvent à travers les années. 2001, je trouve que c'est une année spéciale pour ça, avec ce moment-là de pendant peut-être 5-10 minutes qu'on a un hardcore Rumble, si on peut l'appeler comme ça, où ce que à peu près tous les objets mythiques sont utilisés, quoi. Donc ça, c'est, je trouve que c'est un truc assez spécial quand on regarde le Rumble de loin, le 2001, ben, tu te rappelles de ça. Puis t'as aussi des mecs comme Drew Carey. Bon, ben, c'est sûr que c'est pas un mec qui a fait une grosse apparence, mais tu peux t'en rappeler parce que c'est la seule fois où il est apparu dans le Rumble, puis c'est un des trucs que tu te rappelles, qu'on apparaît dans un Rumble, ça paraît con, mais puis la performance, c'est sûr, magistrale de Kane, le retour de Honky Tonk Man, pour moi, qui est hyper cool, parce que à cette époque-là, bon, aujourd'hui, on est beaucoup moins le cas, il y a beaucoup moins de mecs qui revenaient faire à cette époque-là, en 2001, c'est surtout les mecs comme Austin, Triple H, The Rock, c'est ces mecs-là vraiment qui étaient mise à l'avant, puis on avait rarement de retour de grandes stars comme maintenant, comme bon, justement, The Rock qui est revenu l'année dernière pour WrestleMania, t'as Lesnar maintenant qui revient aussi pour Batista. À cette époque-là, on n'avait pas vraiment de retour de grandes stars pour les gros shows, puis c'était cool de voir un mec qui avait quand même marqué les années 80, quoi, comme un Honky Tonk Man qui revient dans le Rumble. Aussi, ce que j'ai bien aimé dans ce Rumble-là, ben, c'est toutes ces petites confrontations qu'on réussit à faire, quoi. Les petites histoires avec Bischoff et Rock qui retournent au passé, mais aussi avec Triple H et Austin, qui c'est une feuille magistrale dans les derniers mois, mais aussi qui va se continuer dans ce Rumble match. Je trouve ça, c'est toujours cool de pas oublier les rivalités dans un Rumble match, puis ça a été super bien fait, je trouve. Puis bon, mon dernier point que je soulignerais, que je pense encore personne l'a mentionné, mais qui est là pour à peu près tous les shows d'Attitude Era, c'est que Jim Ross fait une performance incroyable pendant le retour d'Austin, puis il vend vraiment comme c'était un des matchs les plus importants de l'histoire, puis la victoire d'Austin qui va finalement mener à ce gros match historique entre Austin et Rock à WrestleMania 17, qui pour moi je pense le plus grand main event de WrestleMania. Je veux pas m'avancer, mais jusqu'à maintenant, je pense que c'est le plus gros main event de WrestleMania. Puis ça commence là au Rumble 2001. Puis c'est Jim Ross qui est quoi, totalement fou dans cette fin de Rumble qui est pour moi incroyable. Jim Ross, quoi, il fait un travail je dirais exemplaire, quoi. Eh oui, c'est vrai, oui. Et à côté, il y a Lawler qui était allé s'enquérir de l'état de China plutôt dans le show. Voilà. Incorrigible, ce Lawler. Ouais, non, mais c'est vrai que Jim Ross, au diapason des spectateurs, complètement, avec cette montée en fluide à la deuxième partie du Rumble, après la première partie qui est toujours un peu en dodane, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, ouais, la partie ECW, on va dire, était très bonne, ouais. Et Jim Ross, quand il faut parler de Stone Cold Steve Austin, il est toujours, lui déjà c'est un ami proche, puis en plus voilà, il adore et ça prend une ampleur pas possible. C'est vrai qu'il est hyper bon, c'est un dieu du micro. Je le entends encore gueuler Ah oui, Austin Austin à WrestleMania 14. Voilà, c'est légendaire. Maintenant cette phrase on l'entend en générique de WrestleMania avant les WrestleMania, c'est un moment historique. Mais c'est vrai que ce face à face entre Austin qui la gueule littéralement en sang et le Rock quand Kane est un peu KO qui laisse un peu les autres pour une fois faire quelque chose dans un ring, t'as les face à face entre le Rock et Austin, ah, les deux mecs qui se regardent, t'as l'impression qu'ils vont se bouffer, et puis la foule qui les adore, hein, en Amérique, déjà nous en Europe on aime, et là-bas ces deux gars sont des dieux, Stone Cold Steve Austin et le Rock, voilà, c'est ce qui se faisait de mieux en termes de main event, ils pouvaient pas passer à côté, c'était obligé de faire ça, même si Kane fait une performance énorme, ça pouvait être que Austin, ça pouvait être que ou le Rock. Et ça a donné d'ailleurs ce match à WrestleMania. Bah d'ailleurs, Kurt Angle était champion. Là, on parle vraiment de voilà, c'est ça, ouais. Kurt Angle, bah, du coup, il a été un peu kické, mais logiquement, parce que fallait laisser la place. Voilà, une fois, ça, voilà. Exactement. Ça, ouais. Exactement. Surtout qu'après, on connaît quand même leur carrière aussi au cinéma, leur succès énorme à chaque fois, donc ouais, c'est vraiment deux méga stars, donc c'est logique. Mais c'est vrai que Kane, c'est le fait marquant, vu qu'on aurait pu penser que ça se serait fini entre Steve Austin et The Rock, mais non, ça s'est bien fini entre Kane et Steve Austin. Avec du suspense, donc ouais, c'était quand même vraiment le cœur, évidemment, le Rumble, parce que bon, ben, comme vous l'avez vu, si vous avez bien compté, ça fait ben, 5 matchs au total, donc évidemment que le Rumble ben, prend toujours une énorme place, donc c'est souvent le pouls d'un show, donc ben, on va y passer, je pense, si tout est dit aux notes, d'ailleurs. Allons-y. T'es dit? C'est bon. Bah, aux notes sur 10, on va voir les vôtres. Voyons celle de MP. Ben moi, je vais donner une assez haute note. Je pense que le contenu de ce Rumble, c'est un des meilleurs Rumbles, sinon le meilleur Rumble à ce jour. Bon, je parle du match, évidemment, mais aussi du pay-per-view qui, je trouve, à peu près pas de défaut, à part peut-être le match féminin. Bon, on s'entend que c'est pas non plus la grosse pièce du pay-per-view, mais sinon, même le title match, ce qui est un peu overbooké, quand même d'une bonne qualité. L'opener est très sympa. Le ladder match est extraordinaire. Puis t'as le Rumble qui est un Rumble aussi excellent. Un des meilleurs, probablement aussi à ce jour. Donc, pour moi, j'accorde la grosse note de 8.5. D'accord. La note de Gus? Alors, je disais donc 9,5. Je suis pas d'accord avec MP concernant le fait que ce soit peut-être le meilleur Rumble de l'histoire. Moi, j'ai mon souvenir quand même qu'on n'enlèvera pas sur le Rumble 2005. Cette fin palpitante qu'on a eue entre Batista et Cena, pour moi, ce qui donne le fait de meilleur Rumble de l'histoire à cette année 2005. Mais attention, il reste pour ceci très bon. Et ça se joue vraiment de très peu avec le 2005 pour le 2001. Mais ouais, sinon c'est un très très bon pay-per-view, des très très bons matchs. On oubliera Ivory contre China, hein, c'est un accident de parcours, on dira. Mais sinon le reste est à voir, quoi. Mais complètement, ça sera 9,5 pour moi. Et Renaud, je vais mettre 8,5 parce qu'à part Ivory China, je me suis régalé. Et puis c'est un bon opener. Le Jericho Benoît est très bon et le Rumble match, c'est un des meilleurs. Après bon, chacun a ses avis un peu différents. Il y en a qui aiment un peu un autre. Ça dépend des années. Pour moi, la meilleure finale d'un Rumble, c'est le Taker HBK de 2007. C'est une finale énorme. Et le Rumble match m'avait bien marqué aussi. Donc moi, je mettrais 2001, 2007 aussi. Voilà, c'est kiff kiff. Mais un bon 8,5 pour un gros pay-per-view. Bon, on va finir par les deux pires notes, je crois. la mienne, c'est 7. Mais oui, c'est parce que c'est vrai qu'il y a quelques éditions qui sont légèrement meilleures. Et oui, c'est peut-être parce que c'est vrai que j'ai des images tellement fortes de 2001 que même si le Rumble est énorme, il y avait un peu mieux à l'époque. C'est ça, là. C'était tellement haut la barre, je dirais, à l'époque, que du coup, là, c'était légèrement moins bon. Mais c'est vraiment... titillé, là, je dirais. Parce que sinon, oui, j'ai quand même adoré, y a pas à dire. C'est le deuxième pay-per-view que j'ai vu, je pense. J'ai dû le voir 7 fois. Non, 6 fois, je crois que j'ai vu tout à RMP. Ouais, voilà, c'est le deuxième pay-per-view que j'ai le plus vu après le WrestleMania 17. Donc, c'est pour dire. Ouais, ça lance quand même une Road to WrestleMania, vraiment, bah, de la meilleure des manières. Et puis on sait qu'après, il y aura la transition No Way Out qui sera excellente aussi. Donc, ainsi de suite, voilà. Ça continuera le tempo d'une bonne année 2000 aussi, donc voilà, 7 sur 10. Et la note de Jason Kendricks, qui a quand même donné son analyse complète, donc qui lui a conclu, cette édition n'est peut-être pas la meilleure de l'histoire, mais en tout cas, il s'en sort avec les honneurs. Un match d'ouverture correct, suivi d'un match d'anthologie pour le titre intercontinental, et d'un match féminin beaucoup trop court. Par la suite, un match championnat du monde plutôt bon, un très bon Royal Rumble match. Et en tout cas, il a noté une ambiance au top et des matchs très intenses. Avec une note de 6,4. 6,4, oui. Ah oui, d'accord. Voilà. On dira 5. Ouf, non, non, c'est bon, j'ai déjà calculé la moyenne. La moyenne qui s'élève à 7,98. Voilà. Chez nous, c'est une bonne moyenne. Oui. Ah, c'est même une très très c'est bonne moyenne. Très bonne, c'est oui, voilà. C'est pas le son, mais c'est excellent, oui, voilà. Oui. C'est jugé excellent, voilà, ça c'est reçu, c'est à voir, parce que bon, dans le futur, inévitablement, il y aura du pay-per-view pourri, c'est obligé. C'est obligé, on peut pas non plus dire tout est parfait, faut pas exagérer. Ah ben non, faut pas déconner. Voilà, il y a quand même des trucs moins bons, d'ailleurs même dans un show, voilà, on est obligé là, de connaître quand quelque chose est moins bon. Là, on pourrait mentionner Heroes of Wrestling. Oh, MP, ils sont Heroes of Wrestling, mais c'est pas pour. Ouais, il va à tout prix le faire, quoi. Regarde-le, souffre tout seul. C'est pas un des... Oui, parce que c'est pas un des 4 grands pay-per-view de l'année, donc c'est ah bon. Non, ah non, ah non. Mais par contre, oui, dans le futur, on va sûrement gratter en dessous de l'année 90, même si on a déjà fait de cette manière. Hein, donc, voilà. Mais c'est vrai qu'à mon avis, je pense qu'on vous a... Enfin, on espère vous avoir appris des choses, en tout cas. Quelque chose. Et je pense qu'on va pouvoir passer aux partenaires, si éventuellement quelqu'un a un petit mot à rajouter sur le Rumble. Bon, c'est bon aussi pour moi. Non plus. On n'a pas parlé de Taz qui est resté 5 secondes. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, non, dans ce cas-là, là, on aurait analysé chacun un par un. Ouais, ça aurait été galère. Sin Cara est catché déjà au Mexique? Ah, j'attendais quand je place. Yes, dans un vintage, j'ai passé Sin Cara. Même dans un vintage, c'est fou ça. Le truc qu'il a dit à 13 ans. Quoi. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez nous retrouver Wessos Radio. Vous pouvez nous écouter. Vous nous écoutez sur, peut-être en ce moment, soit sur archive.org, soit sur YouTube, soit sur iTunes, géré par MP. Vous pouvez nous écrire sur... par mail à l'adresse wessosradio@gmail.com, tout attaché en minuscule. N'hésitez pas à faire partager la page à vos connaissances, la page Facebook Wessos Radio entre parenthèses officielle, et également le compte Twitter. N'hésitez pas à nous envoyer des tweets aussi, même des petites réactions courtes, c'est surtout ça qu'il y a sur Twitter d'ailleurs. Ensuite, les autres partenaires FN Lutte, Vox Catch avec Gus qui a fait un Vox classique sur le Royal Rumble match 2001 d'ailleurs. Donc, oui. Il est bien tombé. J'avais préparé le coup avant, le vicieux. J'ai fait exprès. Puis je vais faire l'auto-promo, mais la NJPW a fait quand même un grand show là. Wrestle Kingdom, je vous conseille de le regarder, rien que pour le spectacle. Et... puis une entrée très très excitante de Shinsuke Nakamura, voilà. Oui. Il dit oui en plus. On va continuer quand même avec les partenaires, un peu plus de sérieux. Oui. La Wrestling Evolution League, c'est ça, oui. D'ailleurs, j'ai juste un petit truc à dire. Si vous avez le jeu vidéo WW4, attendez, je vais recommencer. Si vous avez WW2K14, il y a toujours des places. Toujours. Et si vous n'avez pas le jeu, mais que vous voulez quand même rejoindre la communauté pour parler catch, ou et que vous avez en parallèle FIFA, le jeu FIFA 14, il y a aussi une parallèle pour sur un tournoi FIFA entre les membres. Donc, si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. D'accord. La suite des partenaires avec Instant Catch qui va peut-être prochainement revenir. En stand-by pour le moment. Révolte, la radio de Kevin. Et je termine avec Catch Asylum. Vous avez entendu hier le modérateur du forum. Donc n'hésitez pas à participer au top 10 de la TNA, notamment, qui sont lancés sur le forum. Très bien géré par Olivier. Voilà. Donc, donc au menu, il y aura le Royal Rumble que vous regarderez peut-être en live, qui sait, sur AB1 ou en VO la nuit du dimanche prochain, là, du dimanche à lundi à partir de 2h du matin. Même non, Royal Rumble, il n'y a pas de pré-show. Oui, c'est ça, le 26. Oui. Il n'y a pas de pré-show le. Ah, peut-être. Hein. Non. Bon, on verra. De toute façon. Voilà. Okay. On verra l'analyse le jeudi suivant comme d'habitude, Late Night Wrestles bien sûr. Et n'hésitez pas donc à réécouter aussi les vintages passés, ça fait toujours du bien de réécouter. Enfin, dis-nous, ça nous fait toujours du bien de parler en tout cas des PPO du passé. Surtout quand ils sont aussi bons, on espère que vous avez passé un bon moment. et que ça vous aura donné envie de voir ou revoir la performance de Kay notamment, et d'ailleurs qui va être le sujet du theme song final qui va vous accompagner sur la fin de ce numéro. Voilà, donc pour le prochain numéro de Vintage Wrestle, ce sera sûrement pour WrestleMania bien sûr, dans maintenant 3 mois, un peu plus. Oui, un peu moins. Voilà, oui, faut doser, désolé. C'est... Et on vous retrouve très rapidement déjà pour les Dead Wrestles. Bonne semaine et bon Rumble et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, bisous. Salut les amis.